bêtise veut que dans une abbaye, l'anti-gros s'amourache, amovible. Son antithèse décale les clapets, l'absence d'une amoureuse, ballotte des canulars aberrants. Il confesse qu'il a chaviré dans ce je ne sais quelle image, qu'il a écumé quelques passages. Son esprit est-elle une autoroute où la femme apparaît et disparaît à vive allure sur une autre route. Il ne la touche pas. Dans une abbaye, l'anti-héros s'amourache d'un alignement de pixels lui renvoyant à l'Éden. Où Jeanne, Ève et autres maris ont leur baluchon prêt à partir. Lui aussi partir. Lui aussi.